Je suis rappeur fétiche de VALD. Si je rentre dans le game, il va me câliner. Je crois qu'un de ces quatre, je vais m'arrêter. Avant que le chétan vienne m'habiller. En Prada ou pas, c'est ça l'idée. Avec qui faut-il le s'allier? De toute façon, j'ai les mains liées. On me considère comme un alien. Les Arman, apocalypse en vue. Tout le monde va y passer. Les noirs, les blancs, les arabes. Partout la bite dans le fût s'agite devant la dernière vidéo de Lisa Han. La cocaïne dans le cul, aucune chance que les forces de l'ordre ne les attrapent. À mon avis, Jean-Luc de la street n'avait pas idée de la portée de ses matraques. Guette comment le monde est beau, petit, guette comment le monde est glauque. La voix du diable à tes côtes et à tes collants, je vais à tes sauts. Je n'ai que le talent des pros, j'ai besoin constamment des pauses, clope. J'suis comme une plateforme offshore, offshore, offshore. J'suis trop rapide, j'te fume comme Bale, M cigarette, t'es sympa. J'te montre ma bite, faut que tu la lèches, M cigarette, c'est le Saint Graal. J'vaux plus qu'un smic, faut que je l'accepte, M cigarette, j'ai bien mal. T'es Titanic, je suis iceberg, j'ai trop d'inspi, faut que j'roule à terre. On essaye d'être au top de notre forme, il a pas fini sa thèse de docteur, c'est le destin, Dieu soit loué. Y'a du matos à louer pour la tournée du mois d'octobre. Pourquoi tu crois que je nous compare à une plate offshore, hein? On puise à la base, tu penses qu'on connaît pas notre sport. Si t'as pas la foi, tu peux laisser ton âme au stock. Y'avait pas que le chétan le présent à Woodstock. Guette comment le monde est beau, petit. Guette comment le monde est glauque. La voix du diable à tes côtes et à tes collants, je vais à tes sauts. Je n'ai que le talent des pros, j'ai besoin constamment des pauses, clope. J'suis comme une plateforme offshore, offshore, offshore. J'crache du soufre et vomis du pétrole. L'industrie voudrait me forer, ça me désole. Quand ils me parlent, j'me branle comme à l'école. J'suis dans le vaisseau, dans les airs, loin des hommes. Gros, y'a tout d'artificiel, même la camisole. Comme une main tendue par le crédit agricole. Faut que j'arrête de ses pairs parce que ça m'isole. Mes seuls amis, ils travaillent à Capitole. NQNT dans la nuit, ça picote. Sponsorisé, ça nitole. Sans ça, y'a rien de palpitant. J'la baise alors que j'la trouve même pas mignonne. Cherche pas l'embrouille après 4 mignonnettes. Ni l'amour dans une camionnette cachée additionnelle. Sans DMC dans l'isotherme, la misère moins pénible sous ultraviolet. Le char, ton point de vue est biaisé, manité piézée, malié baisé. Regarde saliver les requins, à l'idée de te câliner dans le cabinet. Hey, les armes de vœux, ton oseille et ton âme, tout ton buzz et ton coir, le labeur de ton taf, quoi d'autre. Ton malheur ne compte pas, ferme ta gueule et bonne char, bonne chance pour gravir les montagnes. Prends le micro et vends du rêve pute. Sur scène, mets ton plus beau vêtement sûr, va casser des plexus. À la mi-temps, on veut déjà 7 buts. Sais que tu es perdu, mais on investit, donc ramène actu. On veut des capsules, on veut des cartes. Touche, qu'est-ce que tu roules un cactus? Va pas jouer les artistes, salope, à quoi t'aspires? Ma gueule, on t'arrache tout avant que t'aies plus d'inspi. Petite clope avec le suicon, hey. 2000 dommages sur le futon, hey. Rap français, barjo comme glouton, hey. J'vois devant et derrière des moutons. AJ et Sully, c'est bouillant. Dis pas l'inverse, on va se brouillant. Le plus dur est fait en se débrouillant. Bientôt les structures, tout ça sans culture, à part les bouillons. Guette comment le monde est beau, petit. Guette comment le monde est glauque. La voix du diable à tes côtes et à tes collants, je vais à tes sauts. Je n'ai que le talent des pros, j'ai besoin constamment des pauses, clope. J'suis comme une plateforme offshore, offshore, offshore.